Bien bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là, spécialement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le top 10 de 2018, je fais des commentaires de disques depuis 1997, ça fait à peu près 21 ans, j'en ai écouté des albums et à chaque année comme ça je fais un top 10 des meilleurs albums que j'ai reçus pour mes commentaires de disques que vous pouvez lire via le www.centraire.qc.ca ou www.quebecpop.com. Aujourd'hui on va entendre du Jean-Cian MG Trio, Julie Kim, Loïc Morin, il y aura aussi d'autres artistes comme Christine Saint-Pierre, Vichine et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques instants pour le début du top 10 de 2018 à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Eh oui, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Et bien entendu, à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là, je vous souhaite de joyeuses fêtes. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones qui fait de la musique francophone ou instrumentale, vous m'envoyez ça à canrockcdn au commercial gmail.com. On va y aller avec notre top 10 de l'année 2018 en vous disant qu'encore une fois cette année, ça fut une année extrêmement satisfaisante de beaux produits que j'ai reçus au cours de l'année. Une belle année avec plusieurs albums instrumentaux, ça c'est surprenant. Ça prend du temps à avoir des albums instrumentaux. Là, j'en ai eu pas mal cette année. Donc, voici donc mon top 10 des meilleurs albums que j'ai commentés au cours de l'année pour les sites de Centraire et de Québec Pop. On va y aller avec une fille qui s'appelle Jean-Cian. Jean-Cian MG Trio, Révélation Radio-Canada Jazz 2018. Voici Dissociation. Thank you. En 10e position de mon top 10 2018, c'est tout simplement Gentiane MG Trio. Révélation Jazz Radio-Canada 2018. Le Gentiane MG Trio nous offre Eternal Cycle, un univers jazz captivant avec ses contrastes enchaînés et une richesse sonore fort appréciable. Gentiane, elle a gradué de l'école, l'université McGill en jazz, en performance. Et, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment vivant aussi. Lorsqu'on écoute l'album, là, on peut s'imaginer la voir en spectacle. Quand on parle de contraste, tantôt c'est doux, tantôt c'est très rythmé. On se laisse bercer, on est enivré par les notes et l'univers. Donc vraiment un très bon album. Je vous donne une adresse, www.gentianemg.com. Allez faire un tour de ce côté-là pour découvrir son univers. Je vous envoie une dernière pièce, War 99. Voici Gentiane MG Trio. son teint, boit son whisky et sort son cash pour une autre danse. À travers son verre, il voit la lumière courber les chaînes sur sa poitrine. Il prend son temps de bien sentir ce parfum sublime qui ne fait que lui mentir. Son shift avec un autre rêve qui vole son âme sans se douter que la score vient de commencer. Son rêve dira sa fin, revient le même refrain, se retrouve avec plus rien. S'accaparant une place inattendue dans mon top 10, soit la 9e, l'Acadien Tommy Bolger m'a agréablement surpris avec son album éponyme. Il nous propose un album intéressant où des mélodies rock bien peaufinées accompagnent de très beaux textes. Qu'on pense là, à Virginie, qu'on pense à ce qu'on vient d'entendre, 1h15. Il y a aussi Road Trip qu'on va entendre dans quelques instants. Donc, c'est vraiment très, très, très bien fait. Je trouve ça rafraîchissant pour l'Acadie. Bien sûr, son album est sûrement disponible via Distribution Plage, www.plage.net. Si vous allez sur Facebook et vous faites « Musicien Tommy Bolger », B-U-L-G-E-R, vous allez sûrement tomber dans sur son univers, sur sa page, et le découvrir avec grand plaisir, j'en suis certain. Donc, en 9e position, c'était Tommy Bolger, qu'on a entendu 1h15. Je vous envoie une autre bonne pièce qui a beaucoup tourné sur différentes stations, différents palmarès au pays. Donc, voici l'auteur, compositeur, interprète acadien Tommy Bolger et Road Trip. Tu t'en vas gagner ton vin.